Bonjour, sœur, ceci Chanine. C'est un message qui s'adresse au bon corps. Bonjour, le puceau. C'est pour vous dire qu'avec les copines du bois de Boulogne, on est toutes confinées au bar Le Valdo et qu'on vous écoute à la radio. Et on vous cache pas que ça nous fait chaud sous les implants, ma mère. Les nichons. Alors continuez de nous émoustiller la poitaille, mes petits flancs d'amour. Et à bientôt sur la radio. Radio Boncon.